Donc on va y aller, elle s'appelle Léo. C'est gentil, vous applaudissez bien. Bon, la prochaine chanson, c'est une chanson qu'on a composée il y a peut-être 20 ans déjà, quand on n'était pas encore né, et que un espèce de dessin animé nous l'a piqué, ils ont appelé ça Tom Sawyer. Enfin, à la base, c'est de nous, quoi, c'est ça qu'il faut se dire.